Bien, bonjour tout le monde. Ah non, pas lui, il parle pas fort. Vous m'entendez? Bien, bien, bien. Donc, qu'est-ce que c'est ça derrière moi? Est-ce que quelqu'un sait? Hey. Oui, Catherine, toi de celle-là. Pas compris. Un château en pierre, oui, c'est un bon début. Oui. On va reprendre. Ça ressemble, mais c'est pas ça. C'est un gros machin romano-byzantino-indo-mauresque derrière moi. C'est un facteur qui l'a bâti. C'est le palais idéal du facteur cheval. Ça lui a pris 33 ans à bâtir ça. Procédant ainsi, durant ses longues tournées pour distribuer le courrier, ramasser des cailloux le long du chemin. Et petit à petit, il s'est bâti ça. Le bonhomme était assez solitaire, mais disons qu'il y avait de la suite dans les idées. Il y avait de la persévérance. Je rappelle, ça lui a pris 33 ans à ramasser des cailloux pas plus gros que ça pour se monter ça. Et on peut aller se promener dedans. C'est un palais. C'est en France aujourd'hui en passant. 33 ans. Bon, c'est pas aussi long que l'Arche de Noé. Mais c'est quand même admirable. Plus près de nous, on peut dire que dans la Bible, il y a toutes sortes, la Bible fourmille, disons, de modèles de persévérance avec Dieu. Des modèles de persévérance malgré les difficultés, hein, malgré la douleur, malgré la précarité. Bon, je peux citer quelques exemples. Je peux citer celui d'Abraham, par exemple. Abraham, par exemple, tout au long du récit, là, le récit d'Abraham commence dans la Genèse à partir du chapitre 12. Bien, on voit un homme qui affronte avec difficulté, parfois même avec angoisse, qui affronte des événements qui se présentent dans sa vie. Hein, c'est pas un modèle parfait, c'est un homme qui est faillible, mais il y a quelque chose chez lui. Il n'a jamais douté de la promesse que Dieu lui a faite. En retour, Dieu ne l'a jamais abandonné. Et il a été appelé le père de la foi. Je peux citer aussi l'exemple de Job. Job qui est intègre, qui cherchait à faire le bien, qui évitait de mal faire. Hein, dans la traduction du Semeur, on précise qu'il persévérait dans son intégrité. Par contre, on sait que la détermination de Job à rester intègre lui a coûté cher. Puis c'est pas le récit de Job que je vais dresser, je le cite seulement un exemple de persévérance malgré des difficultés. Job, c'est un bon exemple. Dans le Nouveau Testament, on peut citer Étienne. Étienne, quand il a comparu devant le Sanhédrin, même dans les affres de la mort, parce qu'il était lapidé, en train de mourir, il persévérait à cause de Christ. Et Dieu ne l'a pas abandonné, au contraire. Au moment même où il allait rendre le dernier soupir, il a vu quoi? Il a connu une mort. Il a vu les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Si c'est pas Dieu qui est intervenu pour le soutenir à ce moment précis, c'est quoi alors? Donc la persévérance, c'est pas inné. C'est pas un don qui est donné à certains caractères plus forts, puis les autres... Tant pis pour vous, vous n'en avez pas de persévérance. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On en a tous besoin. On a tous besoin, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, hein, comme c'est dit dans Hébreux 10, 36, nous obtenions ce qui nous est promis. Et les œuvres qui proviennent de Dieu dans la Bible sont qualifiées de bonnes. Il y a des bonnes œuvres pour les croyants. Je vais y revenir, mais je fais référence ici explicitement à Éphésiens 2, 8, 2, 9. Mais on va y revenir plus tard. Dans les exemples que je viens de donner, il y a des hommes. Il y a un modèle au-dessus de ces hommes-là. Il y a un modèle parfait de persévérance. C'est Christ lui-même. Et Christ, on connaît la vie terrestre grâce aux quatre évangiles. Donc ce matin, si Dieu m'en donne la force, c'est la persévérance. Donc ce matin, par quatre exemples de persévérance que nous donne Jésus-Christ et qui sont rapportés dans l'évangile de Matthieu, on va voir que nous sommes encouragés à faire de même. Et parce que Jésus vit en nous, parce que sa puissance agit en nous, si nous la laissons agir, il nous incombe de suivre son exemple et de persévérer, à son image, comme il l'a fait malgré les difficultés. Donc avant de poursuivre, je vais juste prier pour qu'est-ce que je vais vous dire. Donc Seigneur, ce matin, on va étudier ta parole comme on le fait à chaque dimanche, comme on le fait dans notre vie de tous les jours. Et Seigneur, ma prière, c'est que c'est ta parole qui apparaisse et non ma voix qui soit entendue. Donc, fortifie-moi dans ce que je vais dire. Amen. Donc, je vous ai parlé de quatre exemples que nous allions aborder ce matin pour illustrer qu'est-ce que c'est la persévérance selon Jésus-Christ. Hein? Nous sommes encouragés à faire de même. J'ai sélectionné un premier passage, c'est dans Matthieu 16, 21 à 23. Ce matin, on va faire un exercice de superposition. Dans tous les passages que j'ai sélectionnés, j'ai mis les passages parallèles dans Marc et dans Luc. Je les ai tronqués pour que ça puisse rentrer dans une même diapo. Ce qui est important, mais ce que je vais lire surtout, c'est le texte dans Matthieu. Mais pour avoir une vision, disons, globale de ce qui est en train de se passer, il faut aller chercher des informations dans les autres évangiles. Tantôt dans Marc, tantôt dans Luc. Ça nous éclaire sur ce qui est en train vraiment de se passer. Parce que Matthieu donne une version du récit, Marc en donne une autre, Luc en donne une autre. Il faut vraiment les mettre les trois ensemble, des fois, pour avoir une vision globale des événements qui sont en train de se dérouler. Donc, dans Matthieu 16, je vais le lire, 21 à 15. C'est une illustration, hein, c'est la première illustration que j'ai retenue. C'est Jésus qui annonce sa mort, hein. Et en même temps, il va rejeter la tentation de Satan qui s'opère à travers Pierre. Donc, Matthieu 16, 21 à 15. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il est 21 à 25, pardon. Ouais. 21 à 25. Donc, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » On peut dire que c'est à partir de cet événement-là, très précisément, que Jésus va se mettre en route vers Jérusalem, vers le but final de sa mission, qui est de mourir sur la croix. Donc, Jésus, à partir de cette déclaration-là, entreprend de s'y rendre. Puis, c'est très bien les choses terribles qui l'attendent à Jérusalem. Mais il faut qu'il s'y rende, parce que sinon, sa venue sur terre n'aurait absolument aucun sens. Donc, le mouvement n'est même pas commencé que déjà Satan se manifeste. Hein? Son opposition à travers Pierre. Pierre en est l'instrument, OK? Puis Jésus, quand il s'adresse à Pierre, c'est pas à Pierre qui s'adresse, c'est à Satan qui s'adresse à travers lui. Parce que le diable voudrait bien que Jésus s'écarte de sa mission. Or, Jésus a un cap à garder. C'est la croix. Cette déclaration que Jésus fait à Pierre, ou à Satan à travers Pierre, ben c'est pas anecdotique ici. C'est ni anodin quand il fait référence à la croix. Ça a une signification extrêmement vivante pour lui. Hein? C'est justement elle qui se dirige, là, qui est en train de se mettre en route. La croix, c'est la finalité, puis Jésus ne doit pas dévier. Donc, il y a déjà une première source d'opposition, et Jésus résiste. Parce que c'est le salut du monde. Puis c'est le salut au premier chef de ses disciples, qui est à la clé ici. C'est ça qui importe. En fait, l'accomplissement le plus important de toute l'histoire de l'humanité ne se serait jamais accompli si Jésus ici n'avait pas résisté au diable. Donc ça, c'est une première illustration où Jésus persévère, malgré l'opposition. Deuxième illustration. On va sauter à Matthieu 20. Puis là, on va reprendre un peu le fil du parcours. J'étais retourné un peu en arrière. Là, on va revenir un peu là où on est rendu dans notre texte, hein, au fil des semaines. Donc, dans Matthieu 20, 17 à 19, où Jésus va annoncer la mort, sa mort et sa résurrection explicitement à ses disciples. Il va les troubler par ça. Mais Jésus ne se laissera pas atteindre par leur inquiétude. Je le lis encore dans Matthieu 20 et je vais faire un petit croche par Marc. Donc, pendant que Jésus monta à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Marc apporte une précision ici sur l'état où se trouvent les disciples. Marc mentionne que les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Ça ne les a pas laissés du tout indifférents ici, ce que Jésus leur a dit. Au moment même où Jésus prononce ces paroles-là dans Matthieu 20, il est en marche, là. Il est déjà en route. Il est rendu aux alentours de Jéricho. On dit ici qu'il est en train de monter. Hein, il avance vers le lieu de sa mort et de sa résurrection parce que son heure approche. Mais on dit monter aussi physiquement parce que Jéricho est à 200 mètres en dessous de la mer. Jérusalem est à 800 mètres au-dessus. Il y a 1000 mètres de différence qui les sépare. Il est vraiment en train d'accomplir une montée en altitude. C'est une montée qui est difficile en passant. C'est une route assez rude. Ce qui est important de garder ici, c'est que Jésus est en train de parler là, à des personnes assez simples qui sont ses disciples, hein, qui sont de pauvres pécheurs. Il n'est pas en train de parler à des théologiens, ni à des pharisiens, ni à des gens versés dans la loi, ni à des scribes. Il est en train de parler à de pauvres pécheurs, finalement, de gloire et de récompense dans l'éternité. Et s'il peut leur parler de ça, c'est parce qu'il est justement sur le chemin qui va le conduire à la croix, où il va porter toute la peine des péchés de qui? Entre autres des péchés de ses disciples. En subissant quoi? Le châtiment qu'ils avaient mérité. Eux, pas lui. Il est en train de monter avec ses disciples, et ce voyage-là, il l'accomplit pour la dernière fois depuis la Galilée. Et à ce moment-là, il éprouve le besoin de leur dire ce qui va lui arriver. Ce n'est pas la première fois que Jésus va se révéler progressivement sur ce qui l'attend. C'est la troisième fois, en fait. Il le fait une première fois au chapitre 16, il le fait une deuxième fois au chapitre 17, 22, 23. Donc, Jésus a entrepris progressivement de se révéler à ses disciples. Mais malgré tout, ça les trouble. En fait, les disciples ne sont pas du tout sur le même plan que Jésus. Ils sont dans une totale incompréhension de ce que Jésus veut accomplir et ce qui l'attend sur la croix. Ils sont en fait attachés encore à une compréhension toute terrestre. De quoi? Du Messie. Le Messie glorieux là, qui doit se révéler ici même sur terre. C'est à ça qu'ils sont attachés. Ils ne comprennent pas autre chose. Plus que ça, la mort du Maître, puisqu'ils sont totalement dépendants de Jésus-Christ, la mort du maître les laisserait dans un désarroi total, parce que tout leur avenir dépend de ça. Donc finalement, ils sont plus préoccupés d'eux-mêmes que de Christ, quand on y pense. Du point de vue de Jésus, on peut facilement comprendre, parce qu'on, je sais que c'est difficile de se verser dans ce qu'a éprouvé Jésus-Christ, mais il a certainement éprouvé de la souffrance à se voir incompris de ses disciples, méconnu, méprisé de son propre peuple. Jésus était aussi de nature humaine. Mais malgré tout ça, Jésus ne va pas dévier. Il ne va pas se laisser accabler par la mécompréhension de ses disciples, par l'incompréhension à laquelle il fait face de la part de tout le monde. Et son périple va continuer vers Jérusalem. Il ne s'arrêtera pas à se lamenter sur son sort. Non, il continue. Parce que Jésus est le seul à voir clair. Et surtout, il voit clair sur la signification de sa mission. Ça, c'était la deuxième illustration. On va enchaîner tout de suite avec la troisième qui suit en succession dans le texte. Là, ça succède immédiatement. C'est dans Matthieu 20, 20 à 28. Où là, c'est l'épisode de la demande des fils de Zébédée. On va le lire, là. Malgré une demande inconsidérée, Jésus va quand même prendre soin de ses disciples. Parce qu'il est un bon maître. Encore là, il va poursuivre sa mission. Je vais lire encore une fois dans Matthieu 20, 20 à 28. Vous avez des passages parallèles, comme d'habitude, qui sont superposés. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs, comme la rançon de plusieurs. » Dans Luc, on a une version légèrement différente. Il est dit qu'il s'est élevé parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Un point important à retenir ici. Ça s'est passé en même temps. Il s'agit du même événement. Donc, après avoir abordé la question de sa mort et des persécutions qu'elle est subir, Jésus, maintenant, il va poursuivre son sujet avec ses disciples. Il est toujours en train de monter à Jérusalem, où normalement un Messie glorieux aurait dû être reçu et couronné, mais ce n'est pas ça qui l'attend. Ce qui l'attend à Jérusalem, c'est être rejeté et mis à mort, mais pour ressusciter ensuite. Et voici que les fils de Zébédée, avec leur mère, viennent lui faire une demande. Ils viennent lui demander les deux premières places dans le royaume. Mais Jésus, au lieu de se laisser démonter, il va reprendre son enseignement, parce que sa perspective est tout autre. En enseignant ses disciples, il persévère dans sa mission, qui est aussi de veiller sur ceux que le Père lui a donnés. Donc, au lieu de se détourner de ses disciples, disciples ingrats, inconsidérés, ambitieux, gens du monde, non, c'est pas ça qu'il fait. Prends soin d'eux en cherchant leur compréhension. C'est quand même étonnant que la réponse que Jésus adresse à ses disciples soit aussi douce. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas le ton qui va avec, mais les paroles sont douces. Le Seigneur, ici, au lieu de considérer sa propre souffrance, hein, de se lamenter sur ce qui l'attend, et de se détourner de tout le reste, non, c'est pas sa perspective. Il se montre d'une patience admirable. Par exemple, il ramène l'attention des fils de Zébédée, Jacques et Jean, hein, sur la coupe de ses souffrances dont il vient tout juste de parler. Il leur répond en gros qu'il peut les conduire aux souffrances, mais quant aux premières places, il ne peut pas les accorder. C'est selon le désir de Dieu, selon les conseils du Père. Et c'est le Père qui va préparer ces places-là. Ensuite, Jacques et Jean déclarent qu'ils sont prêts à boire la coupe. Alors, Jésus leur prédit qu'ils vont la boire réellement. Puis effectivement, cela va se réaliser un peu plus tard, parce que les disciples vont participer, ils vont être plongés dans le baptême de Jésus-Christ pleinement au moment de sa mort. Le baptême, ici, a une symbolique de mort, la mort de Christ et sa résurrection. Au moment où Jésus va mourir, les disciples vont rester terrés, en plein désarroi, jusqu'à ce que Jésus sorte de son tombeau et qu'il le voie à nouveau. Mais dans l'entretemps, entre le moment de sa mort et de sa résurrection, les disciples se cachent dans une maison. Ensuite, Jésus va s'adresser aux 10. Après s'être adressé à Jacques et Jean, il va s'adresser aux 10 dans un second temps. Hein, les 10 qui ont manifesté leur indignation lorsqu'ils ont appris ce que Jacques et Jean avaient fait. Pensez par le passage de Luc que chacun d'eux, secrètement, finalement, ambitionnait cette première place. Probablement que leur indignation venait de ce désir-là. Mais au lieu de les juger encore, Jésus saisit l'occasion pour expliquer les sentiments qui conviennent à ceux qui le suivent. Les sentiments dont lui est capable d'accomplir à la perfection. Donc, il met en garde ses disciples contre l'esprit de domination, hein, l'esprit de domination qui est semblable à celui des princes, des grands de ce monde, qui dominent. Il est en train de dire à ses disciples, pas de ça parmi vous. Celui qui va vouloir être grand parmi vous va devoir se faire le serviteur de tous, comme Jésus lui-même le fait et va le faire au point suprême de sacrifier sa propre vie, hein, d'être la rançon de plusieurs. Donc c'est là l'esprit qui convient à ceux qui veulent faire part du royaume. C'est ce qui convient à ceux qui veulent suivre Jésus. C'est ce qu'il est en train d'enseigner à ses disciples ici. Et il poursuit sa mission, ce faisant. Une quatrième illustration, c'est immédiatement après. Ce sont la guérison des aveugles. Je dis bien les aveugles. Aux alentours de Jéricho. Et là, on va peut-être s'attarder aux trois passages. On a souvent tendance à croire que c'est un seul aveugle qui a été guéri ici, Bartimée, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, dans Matthieu 20, 29 à 34, il fait mention « lorsqu'ils sortirent de Jéricho », donc, sort de la ville, une grande foule suivit Jésus. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin. Ils ont entendu que Jésus passait. Ils crièrent « Jésus, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David ». Les paroles sont très importantes ici. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, émus de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue. » Ça, c'est le récit rendu par Matthieu. Dans Marc, c'est différent. Ils arrivèrent à Jéricho, donc on n'est pas encore entré dans la ville. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi! » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le! » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc lui, il se met à la suite de Jésus. Dans Luc, encore une autre version. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. La référence en Luc, c'est 18, 35 à 43, pour ceux qui ne parviennent pas à lire. Derrière moi, c'est peut-être petit. J'ai juste mis la référence parce que je ne peux pas faire entrer tout le texte, à moins d'être écrit de façon minuscule. Donc, verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse? » Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc, si ce n'est pas le nombre d'aveugles exactement, dans quelle situation, c'est pas vraiment ça qui est important ici. C'est les paroles que ces aveugles prononcent. Tantôt, on a Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Dans Matthieu, on a aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Dans Marc, on a « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » C'est le fils de David ici qui revient, qui est particulièrement intéressant. Donc, reprenons le fil de notre succession dans la progression de Jésus. Donc, délibérément, volontairement, courageusement, Jésus continue d'avancer. Il marche vers Jérusalem. Bien sûr, il pouvait se sentir bien seul, peu soutenu par ses disciples. Mais sa récompense ici, au moment même où il va effectuer des guérisons, va connaître sa récompense. Pourquoi il va connaître sa récompense? On va le voir. Il y a des aveugles, comme on l'a vu, qui apprennent que Jésus de Nazareth passe non loin d'eux. Et ils se mettent tous à crier à peu près les mêmes paroles. « Seigneur, Jésus, fils de David, aie pitié de moi ou de nous, c'est selon. » Donc, il faut se représenter la scène. D'une part, on a la vigueur de la foi d'un aveugle qui se manifeste. Hein? Il se manifeste comment? En criant. Et de l'autre côté, on a une foule qui s'emploie à aller ou le faire taire. Et la foule n'y parvient pas. C'est pas la foule, je veux dire, c'est pas à l'aveugle que Jésus va imposer le silence ici. Mais c'est à ceux qui veulent le faire taire, ou les faire taire. Donc, il demande qu'on lui amène, on va prendre par exemple l'exemple de Bartimée, il demande qu'on lui amène Bartimée. Jésus ici veut répondre à sa foi, il veut le guérir. Donc, il lui donne raison en accomplissant un signe messianique. Ésaïe avait annoncé, en effet, qu'au temps du Messie, les aveugles verraient. Ça, c'est dans Ésaïe 29, 18. Mais il y a quelque chose de plus profond qui se passe ici. Le fait d'être appelé Seigneur, fils de David, ça touche Jésus. Ça le touche manifestement. Il est ému de compassion. Pourtant, il y en a des tas d'aveugles en Israël. Pourquoi il guérit ceux-là particulièrement? Donc, il est ému non seulement à l'égard des déshérités, hein, les aveugles, ce sont des déshérités, des mendiants, des gens au banc de la société. Donc, il a pitié d'eux, mais en plus, il est ému parce qu'ils l'ont appelé ce qu'il est vraiment, le Messie. À un moment où Jésus vit des difficultés. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre leurs yeux aveugles, les yeux qui ont cru en lui et qui l'ont reçu comme Messie, parce que Jésus était vraiment et est vraiment le Messie. Tout rejeté qu'il fut là, par Israël, il était vraiment le Messie. Et les aveugles l'ont salué comme le fils de David. Et il répond à leur foi en leur ouvrant les yeux. Et les aveugles, on le voit, vont se mettre à le suivre ensuite. Hein? Comme une figure du vrai résidu du peuple qui va l'attendre. Le titre ici qui est donné, le fils de David, c'est non seulement respectueux, là, c'est plus que ça. C'est une qualité qui est proprement divine. Et c'est ça qui frappe Jésus. C'est ça qui attire son attention. Et voilà que les aveugles se mettent à crier « Fils de David » au milieu de la foule. À un moment où Jésus, on se souvient là, dans Matthieu 16-20, Jésus n'a pas encore annoncé publiquement qu'il était le Messie. Ça fait contraste là, avec la mise en garde qu'il donne à ses disciples. Là. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et voilà que deux aveugles, au milieu de la foule, se mettent à crier « Fils de David », se mettent à le traiter de Messie, à le proclamer Messie. Quant à la signification réelle du titre « Fils de David », Jésus lui-même nous en donne l'explication un peu plus loin dans Matthieu 22, 41 à 46. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent de David, et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? » Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc Jésus dit, « Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? » Explicitement, Jésus est plus que David. Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est le Messie. Naturellement, les pharisiens n'ont pas pu lui répondre un mot. Depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Ce qui est remarquable, c'est que Dieu, parce que c'est Dieu qui opère dans tout ça, Dieu s'est servi des aveugles et de leur déclaration « Fils de Dieu, Fils de David, pardon. » Donc, il s'est servi de ces aveugles-là pour fortifier son Fils. Qui allait au-devant d'une grande souffrance. La grande souffrance qui l'attendait à Jérusalem. Donc Dieu, par la voix des aveugles, il a soutenu son Fils, qui persévérait malgré tout, afin, quoi, qu'il accomplisse son ministère jusqu'au bout. Et cet épisode-là de la guérison, ben, c'est un exemple où Dieu va intervenir spécialement pour soutenir son messager, son logos, son fils, sa parole. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de maintenant aussi, Jésus va vouloir qu'on sache qu'il est le Messie. Parce que le temps approche où il va être mis à mort, ça je l'ai dit, mais assez. Et surtout, l'entrée à Jérusalem, l'entrée solennelle là, qui va se faire au milieu des Hosanna, au fils de David, ça approche, là. C'est tout près. Donc Jésus a persévéré, et son père le soutenant en lui rappelant qu'il n'était pas seul, lui rappelant sa mission à accomplir. Donc Jésus est en totale soumission vis-à-vis de son Père. Il accomplit les bonnes œuvres de son Père. Et la persévérance qu'il démontre, là, cette persévérance-là n'est pas exempte de souffrance ni de difficultés. Jésus éprouve des difficultés, mais il persévère en modèle parfait qu'il est pour nous. En même temps, Jésus peut compter sur son Père. On se souvient, Jésus est le Fils bien-aimé, son Fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Et le Père a suscité Jésus-Christ et lui a donné le pouvoir de réaliser la résurrection. Et c'est le moyen, la résurrection, par lequel nous obtenons un corps immortel. Jésus, il est Dieu de toute éternité. Mais malgré tout ça, il a accompli les bonnes œuvres voulues par son Père depuis la création jusqu'à maintenant. Jésus, lui qui n'a pas regardé, je cite ici Philippiens 6 à 8, lui qui n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Persévérer. Maintenant, nous qui sommes ses enfants, nous les élus, est-ce que ça s'applique à nous? Bien sûr. On est invité à avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Hein? Ce qui implique en premier lieu de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, nous savons ce qu'elle est. Elle est intimée en nous. On peut le savoir aussi par sa parole. Nous, les saints, les bien-aimés, les élus, on a été créés pour de bonnes œuvres. Pour les bonnes œuvres désirées par Christ, mais aussi les bonnes œuvres désirées par le Père. Éphésiens 2, 8, 2, 9, je l'ai mentionné tout à l'heure, je vais le citer maintenant au complet. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Que nous pratiquions la volonté de Dieu pour nous. » On l'a vu, Jésus a reçu des encouragements sur la terre. Son Père est intervenu afin de le soutenir. Nous aussi, on peut en avoir la certitude que nous allons être soutenus quand nous faisons la volonté de Dieu. Nous ne faillirons pas si nous faisons la volonté de Dieu. Donc, c'est le défi, c'est d'être un modèle. Hein, d'œuvre bonne, comme il est dit en titre 2, 7 à 8. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. C'est un exemple. Bon, parfois on aura envie de tout plaquer, on aura envie de tout laisser là. On vit dans un monde pécheur qui est décourageant. Surtout quand on vieillit, de plus en plus on voit le monde. Disons, ce n'est plus. Ça va de mal en pis. Donc, faire la volonté de Dieu dans tout ça, ça nous paraît impossible. Ça pourrait nous paraître impossible. C'est impossible, en effet, si on compte sur nos propres forces pour faire la volonté de Dieu. Il faut vraiment compter sur la puissance de Christ qui vit en nous. Sans cette puissance-là, on ne parvient à aucun résultat. Hein? Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Donc, laissez, si on veut retenir quelque chose ce matin, là, c'est laisser cette puissance de vie nous transformer et la laisser agir à travers nous. Et c'est pas passif, c'est un engagement. C'est une décision de notre part. Il faut vraiment laisser, il faut que notre volonté soit engagée. Il faut le vouloir nous-mêmes et prendre la décision de laisser Christ travailler à travers nous. Je vais m'arrêter ici. Je pense que j'en ai assez dit.